L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Ericsson. La vitesse du Soleil autour de Sagittarius A étoile vient d'être mesurée avec une précision de 9 km par seconde à partir des premières données astrométriques fournies par la mission Gaïa. Avec les données complètes en fin de mission, notre vitesse de rotation dans la galaxie pourra être connue à 1 km par seconde près. Tout est en mouvement dans l'univers. La Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil tourne autour du centre galactique, et la galaxie est en rotation dans le groupe local qui dévale le puits de potentiel gravitationnel du superamas Laniakea. Pour connaître quelle est la vitesse du Soleil au sein de notre galaxie, il existe une méthode imparable. Mesurer quelle est la vitesse relative des étoiles proches de nous, c'est-à-dire leur vitesse par rapport à celle du Soleil, et donc la vitesse que nous parvenons à mesurer depuis notre référentiel. Les étoiles qui montrent une vitesse relative nulle se déplacent donc à la même vitesse que le Soleil. A l'inverse, des étoiles qui auraient une vitesse de rotation nulle devraient montrer une vitesse relative égale en valeur absolue à la vitesse du Soleil. C'est en exploitant cette méthode qu'une équipe canadienne a réussi à mesurer avec une bonne précision la vitesse de rotation du Soleil. Évidemment, des étoiles qui auraient une vitesse de rotation nulle ne peuvent pas rester très longtemps en place. Sans vitesse de rotation, elles tombent inéluctablement vers le centre de la galaxie. Eh bien, c'est exactement ce qu'observent Jason Hunt et ses collègues. En mesurant les vitesses relatives de 200 000 étoiles proches, grâce aux données du relevé RAV, Radial Velocity Experiment, conduit entre 2002 et 2013 sur 500 000 étoiles, et du premier jeu de données de Gaïa sur 200 000 étoiles, ils trouvent un peu toutes les valeurs de vitesse, positives et négatives, avec un pic plus important autour de 0 km par seconde, donc la vitesse similaire à celle du Soleil. Mais surtout, il voit un déficit significatif situé à moins de 139 km par seconde. Ce déficit doit correspondre à des étoiles ayant un moment cinétique très faible, ayant donc une vitesse de rotation proche de 0 km par seconde, donnant donc immédiatement la vitesse du Soleil de 139 plus ou moins 9 km par seconde. Et il y a mieux! À partir de la vitesse du Soleil autour de Sagittarius A étoile et de la mesure de la vitesse propre du centre galactique, la vitesse apparente par rapport à des galaxies lointaines, les chercheurs peuvent utiliser une méthode simple de triangulation pour évaluer quelle est la distance exacte séparant le Soleil du centre de la galaxie. La distance obtenue vaut 7,9 plus ou moins 0,3 kiloparsec, soit 25 754 plus ou moins 978 années-lumière, avec donc une précision de 3,8%. Ces résultats ne sont pas encore plus précis que des mesures antérieures de vitesse et de distance, mais ils sont de bon augure, car en extrapolant avec ce que fournira Gaïa à la fin de sa mission, fin 2017, avec les positions et vitesses de près de 1 milliard d'étoiles, les astrophysiciens canadiens montrent que la précision sur la vitesse et la distance au centre seront grandement améliorées et surpasseront les meilleures mesures actuelles. L'article de Jason Hunt et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 832, en date du 23 novembre 2016. Son titre est « Detection of a dearth of stars with zero angular momentum in the solar neighborhood ». Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de la Voie lactée se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube, sur Ça se passe là-haut. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !